Ah, ok. N'oublie jamais, enfoiré, que mon meilleur batterie pas donné naissance à la meilleure chanson de mon CD. Ok. 100% taxe, fier de tuer. Ah, 100% taxe, la vengeance sera mienne. Ok. 100% taxe. On n'est pas des faibles, on est des fous, pas des fessistes. Même si on a des défauts, de la CDF, on s'en fout, on est des faux. Surtout def, défoncé, des mos, def ou def metal. Notre flow, notre haleine, elle est en métal. On est des anards, nana. On aime les nanars, mais notre vie ressemble plus à des nanars. Donc on taxe, on marche pas le taxi. Faut amasser un max, prends le minimum max. Il faut mettre vos bouquetons, pas vos billets, sinon c'est la bière. Dans mes poches, des briques et pas des billets pour allumer la lumière. Si tu veux un billet de plus, appelle ta maman. Je me lève tard pour te charger, j'ai jamais le temps. J'suis dans Tiski, à mal aux dents. Je voulais devenir une star, mais là c'est mes pas. On m'encule, mon fric, mon shit, mon iPod, ma tasse. Ma nouvelle formule de rien payer, je crains, je vais pas me gêner. Je suis à cran avec ta chinelle dans ta tente. Celle, tu sais à quoi t'attendre, que tu t'appelles Maxime ou Kevin. Ma Maxime à moi, c'est ta copine. Oh, ok. Oh, 100% taxe, c'est pas mon club sur club. Je suis même devenu hardcore avec mes potes. 100% taxe, c'est solidaire, c'est pas ma faute. Cyber ne connaît pas nos potes. 100% taxe, c'est pas le mot club sur club. J'suis même devenu hardcore avec mes potes. 100% taxe, c'est solidaire, c'est pas ma faute. Cyber ne connaît pas le défait. J'reste seul en plein après-midi à fumer des bières et teaser des peu spliés. Faire ce putain de son que t'entends ici. C'est moi ton petit bouchou, le jeu fleur qui te retourne la tête quand tu fumes son bout. Oh, j'suis plus frais que frais. Toujours hors compète, mais je te laisse tête sur mon sexe. Les traces de martyrs de mes maîtresses. J'ai tellement l'habitude de croiser mon ex avec son nouveau mec. C'est moi le petit blanc bec au milieu du grand neck. Je te raconte pas leur tête quand je débarque dans la mec. J'suis là pour te la mettre bien profond et bien net. Sans lubrifiant pour qu'il la sente passer. C'est Quick Dark qui vient de passer avec son gym mal repassé. Tu peux dire à qui passer tes parents. Il faut leur ressasser leur droit qui vient de passer. 100% taxe, t'es pas le mot club sur club. J'suis même devenu hardcore avec mes potes. 100% taxe, si t'es solidaire, pas ma faute. Si merde, qu'on met pas des potes. 100% taxe, t'es pas le mot club sur club. J'suis même devenu hardcore avec mes potes. 100% taxe, si t'es solidaire, c'est pas ma faute. Si merde, qu'on met pas des J'suis pas un vieil pan, juste un illégal trouveur de bon plan. J'y casse la porte quand on me laisse en plan. J'ai pas de fric, pas de petite amie. Surveille-la si t'as peur qu'elle vienne dans mon lit. La solidarité, c'est comme ça qu'on vit l'infidélité. Plutôt ça me fait gueulerie. Tout ce que c'est que j'ai bien mérité, c'est pas ma faute si tu sais pas t'en occuper. Il n'y a pas que son cul qu'il faut sculpter. T'as du cul, pas de culte occulté. J'ai rien et l'argent, j'en ai que de la vapeur. Pas assez d'eau pour me laver les mains, de toute façon j'ai pas peur. Je bats ton carton. B-boy, god, puriste, fashion con. Un peu de liberté, libertin, ça peut pas faire de mal. Soyons pas enfermés, je viens me déjà la date. Tu gères mal ta gueule, c'est ça qui est sale. Ne te plains pas et grave, vas-y. Partage. T'es cocu, t'es cocu, merci qui. J'suis connu, reconnu, merci Quick. T'es cocu, merci qui. J'suis connu, reconnu, merci Quick. 100% taxe, c'est pas mon club sur club. J'suis même devenu hardcore avec mes potes. 100% taxe, c'est solidaire, c'est pas ma faute. Cyber ne connaît pas de faute. 100% taxe, c'est pas mon club sur club. J'suis même devenu hardcore avec mes potes. 100% taxe, c'est solidaire, c'est pas ma faute. J'ai l'air de connaître pas le défaite. Club sur club, j'suis même devenu hardcore avec mes potes. sang pour son taxe, c'est celui des hors, c'est pas ma faute. J'ai merde, connais pas de faute. Sang pour son taxe, c'est pas de mon club sur club. Je m'aime depuis hardcore avec mes potes. Sang pour son taxe, c'est celui des hors, c'est pas ma faute. J'ai merde, connais pas le défaite.